Notre musique même j'en dans tout pays, c'est inspiration seulement différent. Pas de raison pour faire polémique. Polémique pas fait avancer. On se recoller, faire ça qui pis bon. Égoïste pas fait garder derrière. Marcher, marcher, marcher, marcher. Fais combat, marcher. Pour ça qu'a fait écouter. Pour ça qu'a fait écouter. Pour ça qu'a fait danser. Fais combat, marcher. Pour ça qu'a fait danser. Pour ça qu'a fait danser. Pour ça qui n'a la paix. Fais combat, marcher. Pour ça qui n'a la paix. Si pou mange pou m'nan pran Sentiment fini.